Depuis sa mise en évidence par des chercheurs d'Afrique du Sud, le variant du SARS-CoV-2 baptisé Omicron suscite bon nombre d'interrogations encore sans réponse. Est-il plus ou moins contagieux? À quoi correspondent ces nombreuses mutations et quels peuvent être leurs effets sur l'efficacité vaccinale? Il faudra attendre encore quelques semaines avant d'être fixé sur toutes ces questions, questions qui vont tout de même nous permettre aujourd'hui de rappeler à quelle batterie de tests sera soumis ce nouveau venu dans le paysage épidémique. L'occasion est aussi tout indiquée pour refaire un point sur l'intensification de la cinquième vague, marquée par le variant Delta et au cœur de laquelle nous nous trouvons. Omicron change-t-il la donne? C'est la question Covid que nous allons prudemment poser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ensemble l'émergence de ce nouveau variant, mais aussi pour faire un point sur la cinquième vague, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Florence Adair. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue, professeur de médecine à la faculté de médecine de Lyon et chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Lyon. Nous sommes également en ligne avec Olivier Schwartz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur à Paris. Mais avant d'entamer cette discussion, il est l'heure de retrouver celle qui guette la moindre mutation dans le flux de l'actualité scientifique. Il s'agit bien sûr de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans The Lancet, étude selon laquelle la troisième dose de rappel vaccinal est sûre et efficace contre le Covid-19. Oui, ce sont les résultats de l'essai britannique CovBoost, une étude qui répond à cette question. Quelle est la réponse immunitaire que l'on obtient après une troisième dose si on a reçu en primo-vaccination soit le vaccin ARN Pfizer, soit le vaccin vectorisé d'AstraZeneca? Alors pour analyser l'immunogénicité, la capacité à induire une réponse immunitaire, les chercheurs ont recruté environ 3000 personnes de 30 à plus de 70 ans, déjà vaccinées avec deux doses, puis qui ont été randomisées, c'est-à-dire tirées au sort, pour recevoir soit un vaccin témoin, soit l'un des 7 vaccins contre Covid-19 de différentes technologies. Moderna, CureVac, Janssen, ou ceux qui ne sont pas encore utilisés, celui de Novavax, qui utilise une protéine recombinante, ou celui de Valneva, à virus inactivé. Alors que nous sommes aujourd'hui en pleine campagne de troisième dose, cette étude montre qu'il n'y a pas plus d'effets indésirables et que ces boosters immunologiques sont très efficaces. Odile Launay est infectiologue et professeure à l'Université de Paris. Ces participants ont été analysés pour évaluer ce qu'on appelle la réactogénicité, c'est-à-dire les effets indésirables potentiels après ces vaccins, et la réponse immunitaire. Donc on a vraiment des résultats qui sont très intéressants parce qu'ils sont très complets. Alors qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en fait, tous ces différents vaccins sont capables d'induire une réponse immunitaire et en particulier une réponse en anticorps neutralisant après la primo-vaccination donc par le vaccin AstraZeneca et tous sauf un après une primo-vaccination par Pfizer. Alors c'est important pour nous en France puisqu'en fait on va avoir très probablement de nouveaux vaccins début 2022 et donc on va pouvoir savoir avec ces résultats avoir plus d'informations sur les vaccins qui sont potentiellement utilisables en troisième dose et c'est vrai que c'est aussi des résultats importants pour les pays qui ont démarré plus tardivement la vaccination pour savoir comment on pourra utiliser l'un ou l'autre de ces vaccins en troisième dose. Leur étude montre qu'on a une réponse en anticorps mais on a aussi une réponse en termes de cellules immunitaires. Et on sait aujourd'hui que cette réponse cellulaire, elle joue un rôle important dans la prévention des formes graves. Donc c'est des informations qui sont vraiment cruciales pour la suite de cette vaccination, où on sait maintenant que c'est un schéma à 3 doses qui est nécessaire pour obtenir une protection importante potentiellement sur les variants et puis importante sur la durée. Le petit bémol qu'on peut mettre, c'est que en fait cette étude a été conduite assez tôt, donc Le délai entre les deux premières injections, ce qu'on appelle aussi la primo-vaccination, et cette troisième dose est relativement court, de fait, puisque Les participants avaient été vaccinés seulement depuis le mois de décembre, donc on est dans un intervalle à peu près de 3 mois, qui est un tout petit peu différent de ce qu'on fait là actuellement, où on est plutôt dans un intervalle de 5 à 6 mois. Mais mis à part cette petite réserve, c'est aujourd'hui des données qui pour nous sont extrêmement intéressantes dans le cadre de l'administration de cette 3e dose de vaccin. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez également réécouter le journal des sciences et toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Une étude parue dans Science Advances vient d'élucider un mystère en neurosciences. Pourquoi le cerveau humain consomme-t-il autant d'énergie, même au repos? Oui, notre gros cerveau d'humain est énergétiquement très coûteux. Il consomme environ 20% de l'apport énergétique du corps, alors qu'il ne représente que 2% de la masse corporelle. Et même au repos, cet organe reste très gourmand. La réponse à ce mystère serait cachée dans nos neurones, dans les vésicules synaptiques, ces terminaux présynaptiques des neurones qui stockent des neurotransmetteurs. Deux chercheurs américains ont mené plusieurs expériences sur les terminaisons nerveuses et ils montrent que même dans les neurones inactifs, les vésicules synaptiques sont une source majeure de consommation d'énergie. Il y aurait, au niveau de cette membrane vésiculaire, une fuite d'énergie et un efflux de protons. En bref toujours, une étude parue dans la revue Science Advances confirme l'origine asiatique des abeilles. Une équipe internationale a fait l'analyse génomique de 250 abeilles de 18 sous-espèces collectées en Europe, en Afrique et en Asie. Il se trouve que l'Apis mellifera, l'espèce la plus répandue des abeilles à miel, est apparue il y a 7 millions d'années en Asie, avant de conquérir, il y a environ 6 millions d'années, l'Afrique et l'Europe, où se sont ensuite formées plusieurs sous-espèces de pollinisateurs. Et enfin, une étude parue dans la revue Science décrit la découverte d'une drôle d'exoplanète. La planète GJ367b rejoint l'étonnant bestiaire des exoplanètes aux caractéristiques étonnantes. Détectée grâce au télescope spatial TESS à plus de 30 années-lumière de nous, c'est l'une des plus petites exoplanètes jamais observées. Elle est à peine plus grande que Mars, mais c'est aussi la plus dense jamais découverte. Une planète magma avec un énorme noyau de fer. De plus, elle orbite très proche de son étoile, une naine rouge, et une année sur GJ367b dure moins de 8 heures. À sa surface, les températures grimpent jusqu'à 1400 degrés, c'est beaucoup plus chaud que sur Mercure, et ce sont des températures proches du point de fusion du fer. Comment une telle planète s'est formée, c'est un mystère. Et on imagine l'enfer que c'est, les réveillons sur GJ367B. On se souhaite bonne année toutes les 8 heures, c'est l'enfer. Merci beaucoup en tout cas Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Un nouveau variant du SARS-CoV-2, le variant Omicron, a donc été identifié il y a un peu plus d'une semaine. S'il faut attendre avant d'affirmer avec certitude qu'Omicron change la donne, comme le rappelle notre titre, il n'en est pas moins intéressant d'expliquer comment on surveille la survenue de ces nouveaux variants et comment on va éprouver expérimentalement leurs caractéristiques biologiques propres. Pour parler de tout cela, nous sommes avec nos invités du jour, Laurence Ader et Olivier Schwartz. Mais avant de démarrer notre discussion, je vous propose d'écouter la voix d'Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire. C'était hier dimanche 5 décembre 2021 et il parlait du variant Omicron. Il est évident qu'en Afrique du Sud, Omicron a un avantage sur la transmissibilité. Car si vous regardez le nombre de cas maintenant, il était à un niveau plutôt bas, puis il a connu un pic presque vertical qui est quasi exclusivement causé par le variant Omicron. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Mais jusqu'ici, il ne semble pas qu'il y ait un haut degré de gravité le concernant. Mais nous devons vraiment être prudents avant d'affirmer qu'il est moins grave ou qu'il ne provoque pas d'état de maladie grave comparé au variant Delta. Même si, jusqu'ici, les signaux restent encourageants quant à la dangerosité. Voilà la voix d'Anthony Fauci, Olivier Schwartz. On mesure à la fois toute la prudence, mais en même temps une certaine forme d'optimisme chez le conseiller de la Maison Blanche en matière sanitaire. Il a prononcé le mot « restons prudents » et je suis tout à fait d'accord. Il y a pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Hein. On a juste la carte génétique du virus, donc ça nous donne des infos, et des données épidémiologiques. Donc la carte génétique, on sait que c'est un virus qui est beaucoup plus muté, vous l'avez entendu. Il y a plus de, par exemple, dans la spicule, il y a 30 mutations décrites dans cette protéine. Et donc on sait déjà, d'après la nature de ces mutations, comment le virus va se comporter ou risque de se comporter. Et ce qu'on peut voir, quand j'ai la carte sous les yeux là par exemple, donc on peut catégoriser en trois types de mutations, ces 30 mutations. Il y en a tout d'abord qui favorisent la liaison au récepteur, à la molécule ACE2, donc ça veut dire que le virus pourra se lier très facilement au récepteur. La deuxième catégorie, ce sont des mutations qui sont situées à ce qu'on appelle au site de clivage entre les deux fragments de la protéine qui s'appelle S1 et S2. Et donc, ça nous indique que ce virus sera probablement très fusogène, comme l'est par exemple Delta, qui est plus fusogène que les variants précédents. Donc, ça veut dire qu'après liaison au récepteur, il pourra rentrer facilement dans la cellule. Et enfin, il y a d'autres, une troisième catégorie. Donc, bon, il y en a certains, on ne sait pas à quoi servent ces mutations, mais il y en a certaines qui sont sur des sites dont on sait qu'ils vont permettre un échappement à certains anticorps monoclonaux ou à certains sérums de patients. Donc, on peut déjà prévoir que ce virus pourra se multiplier rapidement et pourra échapper à certains anticorps. Alors, comment ça se traduit en termes de transmissibilité, de pathogénicité et d'échappement après vaccination? Là, c'est en croisant des données en culture cellulaire avec également des données épidémiologiques qu'on pourra y voir plus clair. Et ça, je pense que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques jours, on aura des informations plus importantes. Et on va évoquer bien sûr ensemble tout au long de cette heure le parcours du combattant qui attend les chercheurs pour faire parler ce variant-là. Florence Adair, on peut peut-être aussi faire un petit point sur la situation épidémique en Afrique du Sud en lien avec ce variant Omicron. Là aussi, il faut être prudent, pas comparer les situations en Europe et en Afrique du Sud, mais expliquez-nous un petit peu ce que fait le variant Omicron sur la situation épidémique en Afrique du Sud. La situation évolue assez rapidement et c'est vrai que le variant dans les zones très urbaines est en croissance exponentielle, c'est-à-dire la courbe d'incidence de l'infection est quasi verticale, avec une dissémination qui est extrêmement rapide. Après, il faut noter qu'effectivement, on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est-à-dire que seulement 25% de la population dans ces zones-là est correctement vaccinée. Et donc, les niveaux de comorbidité, c'est-à-dire l'état de santé des populations, n'est pas le même. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de difficultés à faire des extrapolations et qu'il faut bien s'en garder pour l'instant, parce qu'on ne compare pas, on ne peut pas comparer deux populations qui sont strictement différentes. Et donc, on voit que ça va très vite. Mais par exemple, pour l'instant, nous n'avons aucun chiffre à donner sur la sévérité potentielle. Par ailleurs, je crois que le variant Delta est un petit peu moins présent, moins majoritaire en Afrique du Sud qu'en Europe. Là aussi, ça peut jouer sur la pénétration du marché européen, entre guillemets, de Omicron. L'indice de pénétration sur le territoire sud-africain et les pays limitrophes est extrêmement rapide. Chez nous, il y a actuellement un dominant qui s'appelle le Delta, qui va peut-être pas se laisser faire. Et donc la question est de savoir qui va gagner le bras de fer. Et donc le Omicron, il a encore un petit peu de travail devant lui avant de devenir le variant dominant, on va dire. C'est un peu l'histoire du monde. Oui. Olivier Schwartz, on entend souvent dire quand on parle de ces variants qu'ils ont émergé à une période donnée, mais qu'on ne sait pas finalement s'ils n'étaient pas déjà présents depuis bien plus longtemps. Expliquez-nous un petit peu ce flou qui entoure cette émergence de nouveaux variants. Donc c'est la surveillance dans certains pays qui permet dans beaucoup de pays qui permet d'avoir des signaux d'alarme et de voir apparaître un ensemble de mutations. En fait, il y a presque 6 millions maintenant de séquences qui sont déposées, comme vous savez, dans la base de données qui s'appelle GISED. Donc tous les pays déposent les séquences et on voit des mutations sporadiques qu'on retrouve quel que soit le variant finalement. Comme Florence l'a rappelé, actuellement dans beaucoup de pays on est presque à 100% de variants dit Delta. En France, je crois qu'on est à 99,7%. En Angleterre, on est également très élevé. Ce qui est intéressant, c'est que chaque lignée, et même c'est vrai pour le variant Delta, évolue. Maintenant, on parle de soulignée, de soulignéage, de delta. Par exemple, en Angleterre, il y a un sous-variant qui s'appelle AY.4.2, AY.4.2, qui est apparu, enfin a été identifié en juillet, et qui maintenant représente 20% des variants delta. Ce variant, alors il y en a dans 40 pays également maintenant. Et nous, on est en train de l'étudier d'ailleurs au laboratoire. Il a trois mutations par rapport à Delta. Et donc, est-ce qu'il y a un petit avantage sélectif qui apparaît? Donc, c'est difficile à dire, mais il croît tout doucement. Rien à voir avec Omicron, qui a, comme le rappelait Florence, une pente de croissance, du moins en Afrique du Sud, quasi verticale. Et effectivement, je crois qu'il y a quelques jours ou quelques semaines en Afrique du Sud, on avait 3000 cas par jour diagnostiqués, et maintenant on est à 8000 environ, et la majorité, bien sûr, c'est dû à cette flambée due à Omicron. Alors, quand est-ce que Omicron est apparu? Alors, on peut faire des arbres généalogiques, hein, comme dans une famille humaine, et donc il semble se détacher de ce qu'on savait, enfin des arbres classiques, d'il y a à peu près 6 mois. Donc son degré de variation indique qu'il a circulé. Alors, où est-ce qu'il a circulé? Soit à bas bruit dans certains pays d'Afrique ou d'autres où on n'a pas pu le séquencer, soit il s'est développé progressivement en Afrique du Sud. Il faut savoir aussi que apparemment, si j'ai bien compris, il a été décrit même des cas en Hollande avant même les cas décrits en Afrique du Sud. Donc il circule à bas bruit, et puis à un moment il y a la signal d'alarme qui est tiré. Là, ça a été le cas en Afrique du Sud. C'est un pays, comme le rappelait Florence, où le taux de vaccination est de 24% environ. Donc il y a 75% de la population qui n'est pas vaccinée, donc ça fait un réservoir immense pour faciliter la propagation virale. On sait qu'en Afrique, le taux de vaccination globale est encore plus bas, je crois qu'il est aux environs de 6%. Donc là encore, ça favorise une propagation. On peut rappeler aussi que on sait que les virus peuvent également se muter plus facilement dans des populations qui sont immunodéprimées. Il y a beaucoup de séropositifs en Afrique du Sud, qui sont pas soignés. Donc ça peut là également favoriser l'émergence de certains variants. Et plus il y a de circulation de virus entre individus, plus les possibilités d'évolution, de sélection d'un mutant particulier se concrétise. Voilà, bon, on a présenté l'émergence de ce variant Omicron, et maintenant, c'est l'heure de la dissection. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Olivier Schwartz, vous évoquiez à l'instant les appellations de ces variants avec une lettre, trois chiffres, une lettre. Expliquez-nous un petit peu aussi pourquoi on baptise les mutations ainsi, et qu'est-ce que ça recoupe, cette désignation, ces termes-là. Alors c'est effectivement assez complexe, on s'y perd quand on n'est pas spécialiste. Moi, je ne suis pas vraiment spécialiste. En plus, il y a différentes dénominations en fonction des organismes qui font les analyses. Il y a chaque variant a un nom plus ou moins complexe. Au bout d'un moment, si le variant devient d'intérêt ou d'inquiétude, il peut acquérir ces lettres de noblesse, en quelque sorte, qui est une lettre grecque. Et donc, le variant Omicron, avant de s'appeler Omicron la semaine dernière, hein, parce que tout a été très vite, il avait un nom qui était le B.1.1.529. C'est pareil que pour le variant Delta, qui s'appelait le B.1.1.617.2. Voilà, donc en fait, c'est des arbres généalogiques, et à chaque embranchement, il y a une nouvelle racine qui se crée, ou une nouvelle arborescence, et donc il faut bien la nommer. Mmh. Et donc, par simplification, après, on a un nom plus court qui permet de savoir de quoi on parle. Si on prend l'exemple du coup de ce variant Omicron, Olivier Schwartz, quelles sont les principales mutations? Elles sont nombreuses, il y a 30 mutations, sur quoi elles portent principalement? Alors, donc, j'ai commencé à aborder ce point, effectivement. Donc, il y a une trentaine de mutations. Et donc, dans la spicule, il y en a une cinquantaine en tout dans le génome. Et on sait qu'il y a des mutations, d'ailleurs, dans d'autres protéines que la spicule, en particulier dans la nucléoprotéine, qui ont été décrites dans d'autres variants, par exemple dans Delta, et qui favorisent l'association à l'ARN viral. Donc, il y a d'autres moyens d'augmenter la fitness du virus. Donc là, c'est cette constellation de mutations essentiellement dans la spike, j'en ai dit un mot tout à l'heure. On sait qu'il y en a qui sont dans le RBD, c'est-à-dire le Receptor Binding Domain, et plus précisément dans le RBM, qui est le Receptor Binding Motif. Donc c'est une petite région dans la spicule qui rentre en contact direct avec le récepteur. Et donc dans la séquence de mutations qui sont présentes là, il y en a certaines, il y en a une par exemple, que je peux en citer une, qui s'appelle N501Y, elle a déjà été décrite chez Alpha, et on sait qu'elle va augmenter de façon très importante l'affinité pour le récepteur, donc pour la molécule ACE2. Donc le virus pourra s'amarrer plus facilement à son récepteur et donc potentiellement infecter plus efficacement. Mmh. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a d'autres qui augmentent la fusion. La fusion, c'est le mélange des membranes entre la particule virale et la cellule cible. Et donc ça, c'est une fois que le virus est amarré, eh bien donc il rentre dans la cellule pour pouvoir se multiplier et transformer la cellule en usine virale. Et là, il y a une série de 2-3 mutations qui sont à côté du motif RBM dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont là et qui vont favoriser la fusion. Probablement, nous on le sait, on l'a montré dans notre laboratoire et d'autres laboratoires l'ont également montré pour Delta. Par exemple, Delta est plus fusogène qu'Alpha. Et bien là, Omicron, il a pris des éléments d'alpha et des éléments de delta, d'une certaine façon. Mmh. Et enfin, la troisième catégorie sont des mutations dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont potentiellement localisées soit au niveau du récepteur binding domain, soit dans une autre partie qui s'appelle la partie N-terminale, qui est importante pour l'échappement aux anticorps. Et alors après, il y a beaucoup de virus qui, en ayant beaucoup de mutations, perdent de leur vitalité, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'équilibre. Le virus, il est tellement muté qu'il ne peut plus se multiplier, il a une perte de fitness. On peut par exemple parler du variant bêta, qui avait déjà été identifié en Afrique du Sud, qui avait toute une série de mutations, qui était plus résistant aux anticorps générés après vaccination, par exemple, mais le coût de le fitness cost en anglais était trop lourd, c'est-à-dire que le virus, il devenait résistant, eh bien, il se multipliait moins bien et donc il a été supplanté ensuite par Delta. Et c'est un phénomène connu en virologie, en bactériologie. Quand il y a trop de mutations, c'est le cas par exemple pour le VIH, quand il y a des virus qui deviennent résistants aux traitements antirétroviraux, à la trithérapie, mais ils sont clopin-clopin, j'ai envie de dire, ils n'arrivent pas à se multiplier correctement et donc ils sont moins pathogènes pour l'homme et moins dangereux en termes épidémiologiques. Ils sont moins vaillants, on va dire. Voilà, moins vaillants. Et donc, l'avenir, maintenant, ça va être de voir si cette constellation de mutations, ces 30 mutations, ont permis de préserver la vitalité, la fitness ou la vaillance du virus. C'est probablement le cas parce qu'on croise ces données, bien sûr, en culture cellulaire, en éprouvette, avec les données épidémiologiques sur le terrain qui montrent que le virus se propage. Donc, il a une vitalité importante. Mais Olivier Schwartz, avant d'évoquer du coup toutes les études qui vont être réalisées à partir de maintenant et qui sont en cours de réalisation sur ce variant Omicron, je vais continuer à le baptiser Omicron, comment est-ce qu'on peut expliquer ce grand nombre de mutations? Qu'est-ce qui fait que ce variant-là en a plus que d'autres et qu'est-ce qui a permis que ces mutations apparaissent en nombre? Alors, donc, c'est probablement un phénomène, on ne sait pas, évolutif, progressif, ou est-ce que il y a différentes hypothèses qui circulent, qui ne sont pas d'ailleurs mutuellement exclusives. Donc, je vous ai parlé de la possibilité que le variant se soit multiplié pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois chez un seul individu. Mmh. Une personne immunodéprimée dont le système immunitaire ne permet, en tout cas, au virus de rester plus longtemps et donc de se modifier dans l'organisme de cette personne. Voilà, donc ça peut être une hypothèse. Il y a une autre hypothèse qui dit effectivement que la transmissibilité, donc il a circulé entre individus dans des régions où il y avait peu de séquences et donc il s'est progressivement adaptées au cours des mois. Donc on ne sait pas s'il y a eu ces paquets d'accumulation de mutations, si elles sont venues par paquets ou progressivement. Et j'ai vu qu'il y a certaines personnes et également certains chercheurs qui ont suggéré que le virus aurait pu retourner dans un réservoir animal, passer dans, chez un animal, je ne sais pas lequel, hein, et où il aurait pu là accumuler de nouvelles mutations, puis ensuite repasser à l'homme. Ça a été le fait que on parle de saut d'espèces, ça a été décrit par exemple pour un moment en Europe dans les élevages de visons. Donc les visons sont sensibles au coronavirus, ils l'ont attrapé probablement auprès d'humains, et là il y a des mutations qui se sont développées, mais ensuite il n'y a pas eu de repassage très clair, à ma connaissance, du vison vers l'homme. Peut-être que là, il y a eu un passage vers un rongeur ou un autre animal, je ne sais pas, et qu'ensuite, là, il y a eu repassage. Ou peut-être que vers l'homme. Et peut-être que c'est probablement une combinaison de ces trois phénomènes qui a permis l'évolution et l'apparition d'un nombre aussi important de mutations. Voilà ce qui est des causes possibles d'apparition de nouvelles mutations. À présent, venons-en, Olivier Schwartz, si vous le voulez bien, à cette question de la batterie de tests biologiques qui sont réalisés dès l'instant où on identifie un nouveau variant. On procède par étapes, bien sûr. Quelle est la première étape de ces tests-là et comment on triture ce variant pour essayer de le comprendre au plus vite ? Oui, alors ça, ce sont des questions très importantes, expérimentales, j'ai envie de dire. Alors, il y a d'abord la séquence. Donc ça, rien qu'en regardant l'arbre généalogique et la séquence nucléotidique et en croisant avec les données épidémiologiques, on sait qu'il va être intéressant et que le virus aura tel ou tel comportement. Donc ça, c'est de l'analyse in silico qui est faite dans de nombreux laboratoires. Et donc ça, c'est la première étape. Ça dure quelques heures. On peut séquencer le virus en quelques heures. Alors le virus, la séquence elle-même, c'est quelques jours, mais une fois que la séquence est disponible, les analyses, c'est même quelques secondes, à quelques minutes, rien qu'un coup d'œil nous permet de nous rendre compte qu'il y a des choses étranges dans tel ou tel isolat. Ensuite, comment analyser ? On peut, et nous c'est ce qu'on fait au laboratoire, comme dans des dizaines de laboratoires probablement dans le monde, il faut isoler le virus, c'est-à-dire le produire, le cultiver, en laboratoire. Nous, on a fait ça, par exemple, avec de nombreux variants, avec alpha, delta, bêta. Delta, mon propre laboratoire, on a été un des premiers à pouvoir l'isoler en collaborant avec des cliniciens et des virologistes. Donc ça, c'est important. On travaille avec des hôpitaux à Paris, à Strasbourg, à Orléans ou avec d'autres instituts de recherche dans le monde. Et par exemple, pour delta, on a pu l'isoler avec des collègues de l'HEGP, l'hôpital européen Georges Pompidou, qui avait un patient hospitalisé qui rentrait d'Inde dès le mois d'avril. Donc c'était avant même que le virus était au tout début de l'épidémie, et donc on a pu l'isoler. Donc l'isoler, c'est l'écouvillonnage nasal qui sert normalement à faire les tests PCR. Et bien là, au lieu de préparer l'ARN pour regarder la quantité d'ARN et séquencer, on met l'échantillon dans un milieu de culture et donc c'est pas le même milieu que pour faire les tests de détection donc de l'ARN, et après on le met sur des lignées cellulaires sensibles. Donc s'il y a un peu de virus là-dedans, le virus va commencer à croître, on l'amplifie, et là on a différentes techniques pour le détecter. On vérifie bien sûr que ce qu'on a amplifié, c'est bien le variant auquel on s'attend, parce qu'il peut y avoir dans un échantillon d'un écouvillonnage, il peut y avoir plein de différentes choses. Et après, donc, on a du virus infectieux. Donc, on peut regarder comment il se multiplie en culture, à quelle vitesse, comment il rentre, comment il fusionne, comment il se lie au récepteur et comment il est sensible aux anticorps. Et donc là, nous, on a mis au point une batterie de tests rapides avec un relativement haut débit. Et on peut, une fois qu'on a l'échantillon, on a des cellules qu'on appelle des cellules S-fuse, qui sont des cellules indicatrices qu'on a modifiées pour que lorsqu'elles voient du virus, elles deviennent fluorescentes, elles deviennent vertes, fluorescentes. Et donc, on sait en une nuit, on sait s'il y a du virus dans un échantillon. Et surtout, si avec cet échantillon viral, on a rajouté des sérums de patients, on va y revenir, ou des sérums de vaccinés, on peut voir l'effet neutralisant sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'échantillons en 24 heures. Donc là, c'est ce qu'on souhaite faire. On n'a pas encore l'échantillon isolé du virus. On est en cours de l'obtention en collaborant avec des centres nationaux de référence ou avec des labos d'ailleurs à l'étranger. Et donc, dès qu'on l'aura, on pourra faire ça en quelques jours. Mais puis, il y a d'autres labos qui l'ont déjà fait. J'ai vu un communiqué, un article dans Nature, enfin News and Views, disant qu'en Afrique du Sud, un labo d'une dame qui s'appelle Penny Moore a déjà isolé le virus et donc doit probablement faire les tests dont je viens de vous parler. Nous, on a un petit avantage, on a un test rapide et souvent les tests de neutralisation peuvent prendre beaucoup de quelques jours ou même une semaine. Voilà. Donc après, il y a différentes choses. Et donc là, ce qui va arriver avec ces tests, c'est qu'il va y avoir dans les jours qui viennent, si tout va bien, différents laboratoires qui vont donner les informations. Il y a une espèce de course. L'objectif, c'est pas nécessairement d'être le premier, mais d'avoir des confirmations indépendantes par différents laboratoires. Donc, du séquençage jusqu'à ces tests-là et leurs résultats, la durée est d'environ quelques semaines, c'est ça? Voilà, à partir du moment où on a l'échantillon infectieux d'une personne diagnostiquée, c'est deux semaines. Voilà, et donc il y a une troisième stratégie qui est faite en parallèle, donc c'est faire la synthèse directe du gène de la spicule. Et donc là, comme on sait, la spicule, c'est une protéine qui fait à peu près 1300 aminoacides. On rappelle que c'est la fameuse protéine qui permet l'entrée du virus dans la cellule. Voilà, et donc il résume beaucoup des activités et c'est la cible des anticorps neutralisants chez les vaccinés, c'est la cible des anticorps monoclonaux qui sont disponibles d'un point de vue thérapeutique pour certaines personnes. Et donc là, on n'est pas obligé d'avoir le virus lui-même, il suffit d'avoir la spicule elle-même. Et pour l'avoir, il faut avoir son ADN. Et donc ça, il faut la synthétiser. Là aussi, ça prend une semaine ou un peu plus. Donc c'est des laboratoires privés qui font ça. Nous, par exemple, on l'a commandé il y a une dizaine de jours déjà, dès le début. Et on devrait l'avoir dans les jours qui viennent pour pouvoir l'étudier. Et là, après, pour l'étudier, on a un fragment d'ADN. Et ben, on le fait produire par une cellule humaine. On fait ce qu'on appelle une transfection, on fait rentrer l'ADN dans la cellule et la spicule sera présente à la surface de la cellule. Et donc là, on peut déjà voir si des anticorps la reconnaissent, si la spicule est fusogène, un peu ce qu'on fait avec le virus complet. Et enfin, avec cette spicule, ce gène de la spicule, on peut produire ce qu'on appelle des pseudovirus en utilisant un rétrovirus, un lentivirus qui n'a pas d'enveloppe. Et on remplace par le gène de la spicule, par la protéine de la spicule. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de laboratoire P3 pour faire ces manips. Pas besoin d'avoir tout le virus efficace. Voilà, c'est juste un virus, un pseudo-virus. C'est un faux virus, mais qui mime juste une étape du cycle de multiplication. C'est l'entrée du virus dans la cellule. Donc, une fois que le virus est rentré, grâce à sa spicule, il y a un signal qui est duré enzymatique. Et donc là, c'est automatisé. Et donc là, il y a beaucoup de laboratoires en absence d'avoir accès au virus lui-même complet, font des expériences. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de virus entier. L'inconvénient, c'est qu'on ne regarde pas le virus entier. On ne regarde pas la fitness virale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est la combinaison de ces différentes techniques qui va permettre de dresser le portrait des caractéristiques des variants, dont Omicron. Voilà pour ce qui est de ce travail capital de laboratoire. Pourtant, Florence Adair, les essais de labo ne suffisent pas à prédire l'épidémiologie réelle de ce variant Omicron. Et pour ce qui est de la sévérité des symptômes, etc., il faudra attendre encore les observations en vie réelle, donc chez vous, dans les hôpitaux, c'est ça? Oui, tout à fait, en sachant qu'il faut bien distinguer deux choses. C'est la capacité de ce virus ou de ce variant à réinfecter. Puisque c'est un variant dont Olivier nous a bien expliqué le nombre très important de mutations. Donc quand ça va être présenté au système immunitaire, ce système immunitaire va pas nécessairement le reconnaître comme avec la spike par exemple avec laquelle on a été vacciné par l'intermédiaire des vaccins ARN messagers, ou quand on a fait le Covid-19 avec un autre variant ou avec la souche native. Donc la question de la réinfection, c'est en lien avec le niveau et la qualité de la protection de la réponse immunitaire. Et on va voir en vie réelle, chez les patients qui ont déjà été infectés et les patients vaccinés, ce que ça va donner. Et c'est bien la raison pour laquelle on va, sur cette optimisation, on va maximiser le système immunitaire avec la troisième dose. Et puis après, il y a la virulence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est réinfecté, est-ce que ce virus est capable de générer une forme sévère chez quelqu'un qui n'aurait pas été vacciné, chez quelqu'un qui aurait été vacciné mais qui a des facteurs de risque d'être plus ou moins, d'avoir peu d'anticorps parce qu'il est immunodéprimé, ou chez des gens qui ont déjà eu le Covid. Donc on va voir, en fait, il y a tout cet algorithme, on va le développer, le déployer, le dérouler au fur et à mesure de l'expérience qu'on va acquérir au lit des patients et les patients qui sont hospitalisés, ceux qui sont en ambulatoire. On va petit à petit décrypter la dynamique épidémique et comment elle se configure en fonction de l'état de santé de la population et l'état immunitaire de la population vis-à-vis de ce variant du SARS-CoV-2. Oui. Et dans quel délai est-ce qu'on aura des réponses justement à ces questions autour du variant Omicron-Omicron ? Alors, je pense que les premières infos qu'on va avoir, qui vont être relativement fiables, c'est quand le Omicron va vraiment pénétrer des structures sociales qui ressemblent vraiment aux nôtres, c'est-à-dire avec un niveau de santé de population et un niveau de vaccination qui soit à peu près le même. Donc, l'arrivée en Europe, l'arrivée aux États-Unis de Omicron, elle est importante pour nous et d'étudier vraiment de très près ce qui va se passer parce que là, on peut relativement extrapoler un certain nombre de données par rapport à la dynamique. Mmh. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec l'Afrique du Sud pour les raisons qu'on a énumérées tout à l'heure. Et donc, ça va prendre du temps. Et puis après, les données de laboratoire dont Olivier a parlé, c'est-à-dire quand on va pouvoir cultiver ce virus et le tester sur des modèles cellulaires, sur des modèles animaux, ou le tester même sur du sérum de gens qui ont été soit vaccinés, soit de patients qui sont convalescents, c'est-à-dire qui ont guéri. Ça va prendre actuellement, enfin, toutes les projections, c'est 15 jours, 3 semaines avant qu'on ait des informations fiables. Donc on va rester très prudent, on ne va pas proposer de scénario inutile pour l'instant. Olivier Schwartz se pose aussi la question cruciale de l'efficacité des vaccins. Là aussi, on imagine que tout est en train d'être mis en place pour tester l'efficacité des vaccins contre ce nouveau variant. Oui, tout à fait. C'est ce dont parlait Florence et parlait également Natacha tout à l'heure. C'est on peut, puisqu'on a des sérums, on a des collections de sérums de patients qui ont été vaccinés, une dose, deux doses, puis ont une dose de rappel. Donc on a accès grâce à des collaborations avec différentes hôpitaux. Je pense à l'hôpital d'Orléans avec qui on a des cohortes de personnel soignant vacciné qu'on suit depuis 10 mois maintenant. Et donc on les prélève tous les mois. On sait exactement le taux d'anticorps. On sait exactement le taux d'anticorps neutralisant contre les variants qui circulent jusqu'à présent. Donc maintenant on a ces bases de données. On peut les utiliser, ces bases de données, je veux dire, ces bibliothèques de sérum, ces sérothèques, on peut les appliquer dans nos tests et c'est ce qu'on a prévu de faire. Et donc, on aura, si on a le virus qui pousse, qui est isolé, on peut le faire en quelques jours, en une semaine, on aura des résultats pour voir l'efficacité vaccinale. Et on a d'ailleurs, grâce au réseau des instituts Pasteur, vous savez, l'Institut Pasteur, il y a plus de 30 instituts dans le monde. On collabore par exemple avec une équipe au Brésil, à Sao Paulo, où il y a un institut mixte Pasteur Fiocruz, où là-bas, par exemple, ils sont vaccinés avec du vaccin Sinovac. Mmh. Donc, on a des sérums de personnes qui ont reçu Sinovac, qui est le vaccin donc chinois, vaccin inactivé, qui n'est pas disponible en France, qui n'est pas autorisé en France et qui a été donné à plus d'un milliard de personnes sur la planète, me semble-t-il. C'est un des vaccins les plus diffusés. Donc, on peut voir les niveaux de cross-réactivité et d'efficacité avec toutes sortes de vaccins, enfin de personnes qui ont reçu différents vaccins. Et par exemple, avec Sinovac, pour l'instant, bien sûr, on n'a pas testé Omicron, mais on a testé Delta et on s'aperçoit que les taux d'anticorps sont vraiment très très faibles et probablement pas suffisants pour protéger contre une forme grave de l'infection. Voilà. D'où la question posée par Natacha, d'ailleurs intéressante, de quel type de rappel chez des personnes qui ont reçu un vaccin type Sinovac en première injection. Voir comment on croise un petit peu les molécules. En tout cas, restez avec nous, puisqu'après avoir parlé de ce variant Omicron, on va devoir faire un point sur cette cinquième vague qui nous occupe actuellement en Europe et au cœur de laquelle se trouve le variant Delta. Ce sera juste après ça. Remember, remember the time, colored candy and a smile, did not make you come down a tree. Remember, remember your friends, they gave you a name, made you so proud, you kept it like a loot. Remember, remember, every single morning you're staring at the heat, wondering what's beyond the clouds. Remember, remember, tying your shoes. Is your mind just safe? Are you ready to be one of that kind? Remember par Willow dans La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure du variant Omicron. Omicron, je ne saurais jamais comment le dire, je veux dire Omicron. Mais aussi de la cinquième vague de Covid-19 en France. Et nous en parlons avec Florence Ader, infectiologue, professeur de médecine à la faculté de médecine de Lyon, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Lyon. Avec nous également Olivier Schwartz, directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur à Paris. Nous en venons à présent au reportage du jour, puisque après l'étude des premières caractéristiques de ce variant Omicron, il faudra aussi l'étudier sur un temps un peu plus long, en vie réelle, dans le cadre d'études adaptatives comme l'étude COMCOR de l'Institut Pasteur. Et c'est le sujet du reportage du jour. Bonjour Alexandra Delmo. Bonjour Antoine. Vous vous êtes intéressé aux derniers résultats de ces études consacrées au variant Delta. Oui, j'ai rencontré Arnaud Fontané, épidémiologiste, chercheur à l'Institut Pasteur et professeur de santé publique au CNAM. Il a piloté ce quatrième volet, réalisé entre le 23 mai et le 13 août, donc au moment de la réouverture de nombreux lieux. Pour la réalisation de cette étude, des questionnaires ont été envoyés aux nouveaux et nouvelles infectés via la Caisse nationale de l'assurance maladie à près de 12 000 personnes, avec différentes questions sur les lieux fréquentés, la composition du foyer, l'état de vaccination, pour ensuite les comparer à un groupe témoin. Ces données ont permis de mettre en évidence des sur-risques, c'est-à-dire des circonstances qui nous exposent à un risque plus important de contracter cette infection. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette étude, c'est qu'elle est adaptative. On peut ajouter de nouveaux paramètres à étudier dans le questionnaire à un moment très rapide. Par exemple, le fait d'être infecté avec ce nouveau variant Omicron. Le prochain volet est en cours d'élaboration. Ils aimeraient aller cette fois plus loin pour étudier certains facteurs cognitifs qui pourraient être associés au fait de s'infecter, comme le goût du risque. On a voulu voir ce qui s'est passé au moment de l'émergence du variant Delta en France. Hein. On sait que le variant Delta est arrivé en mai-juin, mais il est vraiment devenu actif à partir du mois de juillet. Et c'était aussi une période de réouverture des lieux. Hein. On a eu successivement la réouverture des bars, des restaurants en extérieur et des lieux culturels, puis après des bars et restaurants en intérieur, et puis il y a eu les boîtes de nuit. Et on a voulu regarder un petit peu comment, dans ce contexte d'émergence du variant Delta et de réouverture des lieux, le virus s'était propagé. Et on s'est dit, on va tirer parti du fait que la CNAM va être amenée à recevoir les informations des personnes qui ont été diagnostiquées la veille dans les laboratoires de France, va les contacter pour faire le traçage de contacts et tout le travail d'isolement, mise en quarantaine, etc. Et de fait, puisqu'ils auront au moins les adresses mail de ces personnes, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer d'envoyer un autre mail aux personnes qui viennent d'être infectées pour leur demander est-ce que vous seriez prêt à répondre à un questionnaire qui nous permettrait de savoir, dans les 10 jours qui ont précédé le début de vos symptômes, qu'est-ce que vous avez fait, quel lieu avez-vous visité ? Toute une série de questions qui nous permettent finalement d'avoir une idée du cadre dans lequel vivent les personnes, plus les activités qu'elles ont eues récemment, les lieux qu'elles ont récemment visités. Et on compare les réponses que nous donnent les personnes récemment infectées avec celles d'un groupe de témoins, c'est comme ça qu'on les appelle dans notre jargon, c'est des études cas pour les malades, témoins pour les personnes qui ne sont pas malades. Donc on prend des gens du même âge, du même sexe, de la même région, de la même densité de population, et puis de la même semaine, et on leur pose exactement les mêmes questions. Et finalement, on compare la proportion, par exemple, de gens qui ont pris le métro chez les personnes qui sont récemment infectées aux personnes qui ne sont pas infectées. Et s'il y a une proportion plus importante de personnes qui ont pris le métro, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un surrisque dans le métro. Si en revanche, c'est la même proportion ou elle est inférieure, il n'y a pas de surrisque associé au métro. Alors, ce qu'on a observé, et c'était très particulier, c'est qu'il y a eu une période qui allait, on va faire simple, du 9 juin au 9 juillet, où dans des réunions privées et dans les bars, chez des personnes de moins de 40 ans, plus chez des hommes, chez des femmes, il y avait un surrisque très important de s'infecter. Et ça correspond à la période de l'euro. Et on n'a pas pu s'empêcher de faire le rapprochement, parce que population jeune, plutôt masculine, avec des réunions privées, des réunions dans des bars en intérieur. Et puis nos collègues britanniques ont trouvé exactement la même chose. Donc là, il y a eu vraiment une période où le virus s'est beaucoup propagé et où ces lieux ont contribué à la propagation. Alors, ils ne sont pas seuls, bien sûr, hein, mais ça a vraiment été un élément de la dynamique de cette quatrième vague de l'été. Ce qu'on a observé également, c'est la présence d'enfants dans votre entourage qui étaient associés à un surrisque d'infection, mais cette fois-ci pour les plus de 40 ans, sans nécessairement le rattacher à l'école, mais plutôt que ces enfants que vous avez dans votre entourage, ils ont pu attraper le virus à un endroit ou à un autre, mais surtout ils peuvent vous le transmettre. Vous savez qu'il y a beaucoup de questionnements sur est-ce que les enfants sont contagieux. Cette étude nous le dit, y compris pour les enfants qui sont d'âge à aller en primaire, hein, de 6 à 11 ans. Les autres lieux qui sont apparus comme étant à risque d'infection dans cette étude, c'était les transports en commun. Et ça, on l'a peu vu jusqu'à présent. C'était pour la première fois, on a vu un surrisque, alors qui est très modéré, hein, de 20%, mais qui, dans l'étude, est visible dans le métro. On le retrouve aussi dans les trains grandes lignes, on le trouve dans les avions. Et puis on le trouve dans les voitures partagées. Hein. Quand vous partagez votre voiture avec des personnes de votre famille, avec des amis, vous ne portez pas le masque, c'est des gens que vous connaissez, et pourtant vous êtes en milieu clos, et là il y a un risque de transmission. Quand on reprend l'ensemble de ces résultats, on voit clairement que les lieux clos où les gens ne portent pas le masque, et a fortiori s'ils vont chanter, crier, parler fort, sont des lieux de transmission. Et ça nous rappelle que dans cette épidémie, dans la transmission de ce nouveau coronavirus, bien sûr, il y a la question des gouttelettes et des postillons hein, qui existent depuis le début, des surfaces contaminées, de l'hygiène des mains. Mais la part de transmission liée aux aérosols est probablement plus importante que ce qu'on avait pensé au début, parce que ce n'est pas habituel pour tous les virus respiratoires. Donc voilà, il y a beaucoup d'aspects qu'on a pu regarder grâce à cette étude, qui est évolutive, hein, puisqu'on adapte nos questionnaires à chaque nouvelle question. Pas plus tard que hier, on a rajouté malheureusement la question « Est-ce que vous avez été infecté par le variant Omicron ?» Et on a bien sûr adapté tous nos questionnaires aux doses de rappel pour essayer de mieux capturer finalement toute l'information possible par rapport aux événements nouveaux dans le suivi de cette épidémie. Donc, on aura aussi, possiblement, à l'avenir, des questions sur la vaccination des enfants de moins de 12 ans si elle est décidée. Enfin, vous voyez, on est vraiment avec un outil extrêmement flexible qui nous permet un suivi en temps réel des lieux et des activités associées à la transmission du SARS-CoV-2. Et pour la poursuite de ComCor, vous allez encore étudier les lieux de transmission, la vaccination, le variant. La dernière fois, c'était aussi le temps d'incubation. Quelles sont les caractéristiques là, que vous allez étudier et probablement qui vont être susceptibles d'évoluer? Un nouvel élément qu'on va rajouter dans l'étude va être une étude des facteurs cognitifs qui sont associés au comportement qui eux-mêmes pourraient être associés avec le risque de s'infecter. Donc par exemple, on va regarder et mesurer l'aversion au risque que certains individus peuvent avoir. Donc les gens qui aiment bien prendre des risques et puis des gens au contraire qui sont extrêmement frileux par rapport au risque et voir comment ça influe leur comportement et leur risque d'infection. On va mesurer la temporalité du risque perçu par les individus, c'est-à-dire est-ce que Vous êtes plutôt quelqu'un qui réfléchissait sur le long terme ou sur le court terme, et puis voir comment ça se reflète dans vos comportements et le risque d'infection. Et puis aussi votre sens de la coopération, du partage, la façon avec laquelle vous appréhendez votre place dans la collectivité et voir une fois de plus comment ça influe vos comportements et votre risque d'infection. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qu'on est en train de rajouter dans nos questionnaires, etc. On passe par un comité de protection des personnes qui évalue si les nouvelles questions que l'on va poser sont conformes aux objectifs de l'étude et ne présentent pas un caractère trop intrusif, par exemple, vis-à-vis des individus qui répondraient à nos questionnaires. Et puis si le comité de protection des personnes valide cette nouvelle volet d'étude, et bien, il sera mis en route probablement début 2022. Voilà pour ce reportage avec Arnaud Fontanet à l'Institut Pasteur. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Florence Adair? Je pense que c'est formidable d'avoir des outils comme ça qui nous donnent énormément d'informations, et on voit bien que les lieux clos, et surtout en période, là on attaque la période hivernale, on est tous un peu à l'intérieur puisqu'il fait froid dehors, ça c'est vraiment un facteur accélérant, c'est un accélérateur d'épidémie, ça c'est évident. Olivier Schwartz, une réaction à ce reportage? Oui, je trouve ça passionnant. Il y a peut-être conflit d'intérêts dans ce que je veux dire. Oui, c'est la maison. Mais mais ces informations sur le terrain sont tout à fait importantes, parce que c'est la vie réelle, et on peut voir par exemple effectivement que les soirées privées, les discothèques, c'est quand même là, j'ai vu qu'il y avait un risque de plus de 340% d'augmentation, comme le rappelait Arnaud. Si on est sans masque et qu'on est dans un espace clos, c'est très mauvais signe. Mmh. Alors effectivement, avec l'arrivée d'Omicron, qui a des possibilités d'après ce qu'on voit dans une situation différente en Afrique du Sud, qui a l'air de se transmettre beaucoup, ça risque de savoir où ont lieu les contaminations est très importante. Mmh. On a vu, par exemple, j'ai vu une étude, j'ai vu dans un article de presse qu'en Norvège, il y a eu un événement où il y avait une centaine d'individus, de personnes, c'était dans une entreprise, donc la plupart vaccinées. Et donc là, il y a eu un repas d'entre je ne sais pas à quelle occasion, un congrès ou un colloque où il y a eu 120 personnes et 17 cas d'Omicron potentiellement. Donc ça confirme ce que dans d'autres pays, ce que l'étude de Comcor indique en France. Pour l'instant, je crois qu'en France, on compte une trentaine de cas liés à ce variant Omicron. Je parle un petit peu sous votre contrôle à tous les deux. Donc ça signifie quand même que le variant Delta est encore prioritaire, ce qui nous amène à cette question de la cinquième vague. Florence Adair, comment vous percevez cette cinquième vague du point de vue hospitalier? Est-ce que vous sentez que la pression recommence à grandir, à croître? Clairement. Tout à fait. Là, on est de nouveau fortement sous pression, et on est toujours dans cette période intermédiaire. Là, on y est dedans, où on va devoir prendre des décisions au niveau institutionnel. C'est-à-dire, chaque hôpital va devoir assumer une montée en charge. Et c'est toujours cette période qui est très difficile à gérer, parce que jusqu'à quel moment on garde un rythme tout à fait normal dans un hôpital, sans déprogrammation, avec un double chenal qui fonctionne mais qui est gérable, c'est-à-dire un chenal Covid et toute l'activité normale. Et quand est-ce qu'on va commencer à rogner sur l'activité normale et augmenter, intensifier les activités liées au Covid et liées à la prise en charge? Et l'hôpital, c'est toujours cette zone de bout de chaîne qui est après un entonnoir, qui est une sorte d'accélérateur de particules, où on doit à un moment basculer dans différents rythmes. Et donc c'est ça qui est extrêmement compliqué. Ça fait cinquième fois que ça nous arrive. On sent bien qu'au niveau institutionnel, dans la synergie qu'on a avec nos administratifs, c'est-à-dire les gens qui pilotent aussi du côté institutionnel les hôpitaux, on est assez rodés. Mais c'est ce point auquel il faut qu'on bascule, qui est très compliqué à trouver, parce que chaque variant a ses caractéristiques. Chaque épidémie et chaque dynamique épidémique a ses caractéristiques, et c'est ce point de flexion là où on doit changer de rythme qui est très difficile à trouver. Et donc on est là-dedans, en plein là-dedans, en se disant que c'est un peu comme les rotations militaires, on va y retourner. Est-ce que vous avez déjà une idée de quand sera atteint ou pas le pic hospitalier? Est-ce que vous avez déjà des projections à ce sujet? Alors je pense que c'est vraiment très compliqué, parce qu'il y a cette donne du Omicron qui se rajoute par-dessus. Donc je prendrai évidemment, on craint que le pic soit atteint sur la période de fin d'année, ce d'autant que ça va donner lieu à des rassemblements familiaux. Il est évident pour nous, dans les hôpitaux, sans que j'aille sur une prédiction qui serait, à mon avis, fausse, les hôpitaux vont se poser le problème de la gestion en phase critique pendant la période de Noël, avec des gens qui ont déjà, enfin avec un personnel hospitalier, quel qu'il soit, ça fait déjà 2 ans qu'on court un marathon. L'épuisement qui va avec, oui. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer, malgré tout, qu'avec plus de 90% de la population de plus de 12 ans en France vaccinée, cette cinquième vague soit d'une telle ampleur? Comment vous l'expliquez, et comment on peut l'expliquer aux personnes qui nous écoutent? Bon, il y a très très rapidement, je pense qu'il y a l'effet climatique avec les rassemblements, le fait qu'il fasse froid, donc les gens se retrouvent beaucoup plus en milieu clos, et c'est le variant Delta qui domine à près de 100%, donc il est très transmissible. Mmh. Donc ça, on revient pas là-dessus. Je pense qu'Arnaud Fontanet a fait la démonstration de l'impact de la promiscuité. Après, il faut voir qu'il y a des niches populationnelles qui sont mal vaccinées. Donc effectivement, les patients de plus de 80 ans, par exemple, 10 à 13%, ne sont pas vaccinés. Et dans les réanimations, 75% des patients qui sont en réa actuellement, c'est-à-dire à peu près 3/4 des patients, ne sont pas vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a un taux d'augmentation des patients arrivant en réa, qui sont souvent des gens âgés, mais qui touchent majoritairement des gens non vaccinés. Les gestes barrières aussi, c'est un peu la fatigue des gestes barrières, une sorte d'usure depuis 2 ans sur la discipline qu'il faut pour tenir les gestes barrières, notamment dans les lieux collectifs, dans les transports en commun. Arnaud en parlait très bien. Sorte de fatigue collective. Après, il faut voir que la campagne de la troisième dose aussi ne fait que démarrer. C'est-à-dire que depuis le mois de décembre, on voit que le nombre de vaccinations augmente. Mais en fait, la maximisation, si vous voulez, de l'état immunitaire populationnel, elle n'est pas encore atteinte du tout. Et en plus, on entre dans une période où les gens vont avoir moins envie de se vacciner parce qu'ils ont d'autres choses à faire et les rassemblements familiaux et tout. Mais donc il faut absolument redire, marteler que cette troisième dose est absolument fondamentale pour obtenir une immunité durable. Et aussi en préparation de d'autres variants, parce que c'est l'Omicron actuellement qui tient le haut du pavé. Va-t-il prendre le dessus? On va voir. Mais de toute façon, on n'est pas au bout de l'histoire. Et donc, il faut consolider l'immunité populationnelle. Ça, c'est évident. Et donc il ne faut pas mollir sur la vaccination. Et voilà. Et je pense qu'il y a aussi peut-être le réservoir pédiatrique. Il faut parler de ce réservoir. Certes, dont on dit qu'il transmet peu, mais en fait, encore une fois, c'est un réservoir qui a une grande promiscuité avec des patients fragiles. Peu vaccinés. Oui. Voilà, peu vaccinés dans la famille, dans les réunions privées, bien sûr, et au sein des familles. Et dès qu'on a à la périphérie de ces enfants-là des sujets très fragiles, il est évident, par exemple des sujets qui sont immunodéprimés, il est évident que la transmission, si le contact est répété et important, la transmission est d'autant plus facile, même en provenance d'un réservoir pédiatrique. Mmh. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils vont adresser cette question et répondre à la question de la vaccination des moins de 12 ans, qui est une question difficile. Dans la conférence de presse que tiendra Jean Castex à 19h. Bah, merci beaucoup, voilà. En tout cas, à tous les deux, Florence Adair et Olivier Schwartz, de nous avoir éclairés sur ce variant Omicron et sur cette cinquième vague. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Mariam Ibrahim, Alexandra Delbault, Noémie Naguet de Saint-Vulfrance, Céline Lozen, Loïc Dutoit, Nicolas Martin, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Arthur Dumont. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.